Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons notre récit sur la relation entre les Han et les Xiongnu, particulièrement depuis la ratification d'un traité d'amitié qui les liait depuis l'an 198 avant notre ère. C'est dans ce contexte qu'on assista à la première forme d'institutionnalisation de ce qu'on connaît comme le système du tribut. À l'époque de la dynastie Han, par contre, le système du tribut témoigne d'une relation de pouvoir à laquelle on est moins habitué lorsqu'on parle de la diplomatie du Fils du Ciel à l'époque de la Chine impériale. On voit ici, en fait, entre la dynastie Han et les Xiongnu, une facette du système largement méconnue et parfois même négligée par les commentateurs de l'époque moderne. Alors que les Han ont érigé une politique de faste et de générosité qui visait à faciliter l'intégration des vassaux extérieurs au sein du monde sous le ciel, le fameux Tianxia. Les dons octroyés par la dynastie Han aux populations de la steppe servaient à la mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler une forme de « soft diplomacy ». N'étant pas en mesure de vaincre par les armes, la dynastie Han achetait, en quelque sorte, non pas la paix, mais seulement l'absence de confrontation militaire. Certains spécialistes ont estimé la valeur de ces dons à environ 30 à 40 de la valeur du budget annuel de l'État chinois. Et l'objectif de ces dons était de contrôler la menace de la steppe à moindre coût que ce qu'aurait pu représenter une action militaire concluante. Les dons octroyés visaient à séduire et corrompre les mœurs des nomades en les habituant au luxe et ainsi diviser les différents groupes de la Confédération Xiongnu les uns contre les autres, tout simplement par l'appât du guet. Bref, le système du tribut des Han servait notamment à la mise en application du principe « divide et impera ». En plus des dons que la Chine octroyait aux Xiongnu en très grande quantité, le système reposait sur la réception à la cour impériale des princes tribaux, accompagnés de présents locaux, qu'ils venaient offrir afin de rendre hommage à l'empereur de Chine. Certains de ces princes demeuraient même à la cour, ils étaient alors considérés comme des otages et ils recevaient une éducation à la chinoise. En retour des dons symboliques qu'ils faisaient et des hommages qu'ils rendaient à l'empereur, les princes se voyaient conférer des titres officiels, ainsi qu'une reconnaissance de rang au sein d'une hiérarchie protocolaire, et c'est cette deuxième facette du système qui perdura et se développa davantage à travers le temps. Au final, par contre, le système s'avéra beaucoup trop dispendieux pour l'État et il fut abandonné, même si ça permit de stimuler considérablement l'artisanat local et surtout d'amplifier les réseaux commerciaux de la Chine avec l'Asie intérieure, particulièrement avec la région de l'oasis du Khotan, qui devint une plaque tournante des échanges de la Chine avec les populations qui se trouvaient sur les routes commerciales qu'on appelle les routes de la soie. Il nous reste encore assez de temps aujourd'hui pour commencer tout de suite le deuxième point de notre quatrième chapitre, une partie qui s'intitule « La chute des Han et l'Empire fragmenté ». Comme nous avons vu la semaine dernière, l'établissement du pouvoir autocratique de la dynastie Han entraîna à sa suite une multiplication d'intrigues de palais, surtout dans la deuxième portion de la dynastie, soit après l'intermède de Wang Mang, entre l'an 9 et l'an 23. Ces intrigues de palais prenaient corps au sein de la tension fondamentale identifiée précédemment entre l'empereur, la famille impériale, les lettrés et les eunuques. La multiplication des intrigues de palais eut deux conséquences majeures, des conséquences qui entraînèrent de profonds impacts pour la suite des choses. D'abord, face à l'immoralité qui gravitait autour du trône, de plus en plus de lettrés prirent conscience de l'échec du confucianisme en tant que projet politique visant à moraliser la conduite des acteurs politiques et des décideurs. Reposant sur l'éducation morale des princes et visant à établir un principe d'exemplarité comme fondement de la légitimité politique, cet échec du confucianisme, si l'on peut s'exprimer ainsi, a conduit à une désaffectation face à la chose politique de la part de nombreux lettrés. Prenant conscience du fait que les Han n'étaient, au final, pas vraiment différents des Qin dans leurs agissements, le cynisme et une forme de désillusion gagnèrent du terrain, désillusion à l'égard du politique, désillusion à l'égard de la possibilité même de changer, par l'éducation morale, le comportement des puissants. Par ailleurs, les intrigues de palais eurent un deuxième effet majeur, soit de renforcer les tendances régionalistes. L'élite qui était issue des lignées princières qui rivalisaient autour du trône, constitua ainsi les bases de ce qui deviendra une nouvelle noblesse terrienne. Plus on avance dans l'histoire de la dynastie Han, plus l'autonomie régionale devient importante, si bien que certaines provinces vivaient pratiquement de manière indépendante en autarcie à l'égard du pouvoir central. Dans ce contexte tumultueux, où les divisions étaient nombreuses, une importante crise éclata à la fin du IIe siècle, entraînant dans son sillon la chute de la dynastie. Au niveau politique, la crise était liée au fait d'une succession d'empereurs inefficaces, soit parce qu'ils étaient encore des enfants, soit qu'ils étaient malades, ayant pour corollaire direct que le pouvoir était continuellement entre les mains des régents et de leurs familles. Le déclin de l'État et du pouvoir central se fit au profit des provinces et des pouvoirs régionaux qui rivalisaient les uns contre les autres pour l'octroi de bénéfices et de faveurs. Dans ce contexte, le pouvoir des eunuques grandissait aussi, et grâce à des liens d'adoption qu'ils tissaient avec la famille impériale, certains possédaient même d'immenses domaines et ils s'enrichissaient aussi avec le commerce. Les réseaux économiques des centres urbains se fragilisaient, encore une fois, au profit des régions rurales éloignées, mais le démembrement de l'Empire fut surtout consacré par la montée en flèche des mouvements millénaristes. Il s'agit là d'une trame qui deviendra récurrente et qui occasionnera, tout au long de l'histoire impériale de la Chine, de grandes turbulences, allant jusqu'à provoquer la chute de nombreuses dynasties impériales. D'abord, les sectes taoïstes se trouvaient de plus en plus organisées et celles-ci prirent avantage des crises qui se multipliaient dans la société alors que l'État chinois peinait à les contenir. Crise agricole, augmentation du banditisme, inondations autour du fleuve jaune, prolifération d'épidémies et ainsi de suite. Dans ce contexte de déstabilisation, des mouvements de révolte prirent leur essor, comme le mouvement de la secte des Turbans jaunes en 184, mené par un dénommé Chang Tiao, qui se disait le patriarche de la Grande Paix, Taiping. Alors qu'il professait un messianisme taoïste qui s'inscrivait dans la lignée du courant Huanglao que nous avons déjà vu au début de la dynastie Han, les turbans jaunes comptaient environ 400 000 adhérents. D'autres mouvements millénaristes étaient aussi présents sur le territoire de la dynastie, dont la secte des Boisseaux de Riz, plus au sud, dans la région du Sichuan. Dans ce contexte de perturbation globale, le pouvoir impérial n'avait plus qu'une existence nominale et les Han s'éteignirent à petit feu. Puis, à partir du 3e siècle, on entre dans une autre époque, une époque héroïque, l'âge d'or des généraux, des stratèges et des grands propriétaires terriens. La division politique s'installe à nouveau sur le territoire de la Chine, un peu comme c'était le cas avant l'unification impériale et cette fois de manière durable entre les différentes régions, alors que cette fragmentation territoriale dura jusqu'au 6e siècle. Les dynasties Qin et Han ont tout de même contribué durablement à l'existence d'un idéal d'unité impériale, en jetant les bases concrètes d'une standardisation des usages de toutes sortes, poids et mesure, écriture, système politique, philosophie, etc. Cet idéal de l'unité impériale de la Chine demeurait vivant, mais les rivalités, les affrontements et la division territoriale l'ont emporté pendant plusieurs siècles. C'est d'ailleurs dans ce contexte de fragmentation territoriale qu'une nouvelle aristocratie s'installe dans le bassin du fleuve Yangtze. Cette période sera d'ailleurs exemplifiée dans la tradition littéraire de la Chine, présentée comme l'époque de la noblesse d'épée, époque dans laquelle on met en valeur le concept de la juste révolte des braves au cœur pur. Cette idée s'inspirait justement de commentaires de Mencius, qui, lorsque, face à un pivot impérial qui ne tenait plus la route, avait érigé le devoir de révolte comme une importante vertu de laquelle l'homme de bien ne devait pas se défiler. Cet idéalisme de la révolte est d'ailleurs exprimé à merveille dans une œuvre littéraire, le roman des Trois Royaumes. Un roman rédigé au 14e siècle qui raconte l'amitié légendaire entre Liu Bei, Chang Fei et Guan Yu, tous les trois ayant tenu tête à Cao Cao, un régent qui cherchait à s'approprier pour lui-même le pouvoir absolu. La première phrase du roman des Trois Royaumes résume à elle seule des pans entiers de toute l'histoire de la Chine sur le plan territorial, proposant même un important défi symbolique aux autorités de la Chine contemporaine. Tianxia Huashou, Fenqiu Bihe, Retiu Bifen. On peut traduire cette phrase ainsi. On décrit ainsi le grand élan du monde. Ce qui a été longtemps divisé doit être uni. Ce qui a été longtemps uni doit être divisé. Revenons maintenant à la fin de la dynastie Han et à l'époque des Trois Royaumes qui débute tout de suite après et qui dura de 220 à 260 de notre ère. L'histoire des Trois Royaumes commença donc sur les miettes de la dynastie Han, alors que Cao Cao unifia le nord de la Chine, ce qui conduisit à la création de la dynastie Wei en 220. Parmi les événements marquants de cette période, on retrouve la bataille de la falaise rouge, Chi Bi, qui a lieu en 208, une bataille marquant la fin de l'expansion de Cao Cao vers le sud. En face des armées de Cao Cao, on retrouve une coalition constituée du royaume de Han, mené par Liu Bei, qui était dans la région du Sichuan. Ce dernier est assisté du conseiller Zhu Geliang, une incarnation parfaite du stratège militaire par excellence. Et la coalition était complétée par le royaume de Wu, mené par Sun Quan, dans la région du sud-est. Les royaumes Han et Wu étaient formés sur les cendres des mouvements millénaristes, comme celui des turbans jaunes, en s'appuyant sur le pouvoir des grandes familles régionales qui s'étaient alors organisées localement afin de défendre leurs biens dans une situation chaotique. Même si l'unité politique demeure une vision idéale, le partage de la Chine en trois royaumes qui s'établissent durablement montre que le pouvoir impérial n'a pas réponse à tous les problèmes qui se présentent. Entre le 3e et le 6e siècle, la Chine traverse une succession de crises, nourries de rivalités régionales ininterrompues entre les propriétaires terriens, les grandes familles et les clans qui tentent tour à tour, à s'essayer au grand jeu politique de vouloir fonder une nouvelle dynastie. Au cours de cette période, les royaumes et les pseudo-dynasties qui se sont fondés les uns après les autres ont tous été éphémères, ce qui montre la grande précarité de l'unité politique. Cependant, leur objectif commun, continuellement répété, partagé par tous, était de tenter d'édifier une légitimité politique qui s'inscrivait dans la continuité et la lignée de la tradition instaurée par les dynasties Qin et Han. Plus que tout, c'est cette volonté politique de chercher à s'inscrire dans la continuité d'une tradition impériale qui contribua à renforcer la valeur d'usage, voire l'autorité cosmologique du mandat céleste. En face de cette unité souhaitée, à laquelle tous les acteurs politiques s'attachaient à croire, la régionalisation contribua à accentuer les disparités territoriales. Avec le temps, on remarque que la stabilité et la prospérité semblaient plus régulières dans le sud et la mobilité ainsi que la vulnérabilité était plus importante dans le Nord. Voilà donc ce qui complète cette partie, et nous poursuivrons notre récit historique la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, je ne peux m'empêcher de faire un bref parallèle entre ce dont nous avons parlé aujourd'hui et quelques éléments d'actualité. Ça fait quand même drôle de penser, avec le recul que nous avons aujourd'hui sur les événements, ça fait drôle de voir que le système du tribut, développé par les Han il y a pratiquement 2000 ans, afin de contrôler, voire affaiblir la confédération des Xiongnu, est un système qui ressemble à s'y méprendre, à la stratégie économique contemporaine de ce qu'on appelle le « fast fashion », qu'on appelle aussi l'ultra fashion, dont le site de commerce en ligne Shein représente peut-être l'apothéose, c'est-à-dire tout simplement le joueur le plus accompli dans ce domaine commercial spécifique. Comme je le disais plus tôt au cours de l'émission au sujet de la dynastie Han, les dons octroyés visaient à séduire et corrompre les mœurs des nomades, en les habituant au luxe et ainsi diviser les différents groupes de la Confédération Xiongnu les uns contre les autres, tout simplement par l'appât du gain. On pourrait prendre exactement la même logique pour expliquer la stratégie marketing qui se trouve derrière la vente de produits bon marché qui sont conçus volontairement à perte, afin de nourrir cette mode jetable dont nous semblons si friands en Occident. Une stratégie commerciale qui vise à inonder nos marchés, selon certains, et ainsi déstabiliser nos chaînes de production. Et pendant ce temps-là, nous ne voyons même pas tous les déchets que nous produisons par cette hyperconsommation qui nous habite. Parce que nous regardons bien souvent l'arbre de trop près, on ne voit pas la forêt qui est cachée juste derrière. En parlant de forêt, il est temps pour nous de revenir à la signification du bois pour faire un petit ménage dans tout ça. C'est pas vrai que je vais vous laisser aujourd'hui avec l'image de ce capitalisme ultra-performant et sans scrupules morales pour terminer l'émission. Alors, pour notre dernière pièce musicale de la journée, nous revenons d'abord à l'élément du bois, mais cette fois, à partir de la représentation de la forêt en tant que poumon de la terre. On le sait, la santé de nos forêts, c'est la santé de l'environnement. Et c'est aussi la santé de notre humeur et de notre créativité. La chanson que je vous propose pour clore cette émission s'intitule « Redonnez-nous notre ciel bleu ». C'est une chanson qui nous invite, alors que les paysages qu'elle raconte ne sont plus tellement verts et que l'air qu'elle respire est saturé de poussière jaune, une chanson qui nous invite à prendre les choses en main si on veut que ça change vraiment. C'est un groupe qu'on a déjà entendu sur nos ondes. Il s'appelle le groupe Reflector Fan Guangting, avec une chanson qui s'intitule « Redonnez-nous notre ciel bleu, Huanwo Weilan ». Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. Woman, xiazi zaijian ba. Oh,